Merci. Je pense qu'on peut déjà lancer un petit peu des questions, réagir et après on fera intervenir de nouveau. Je pense qu'il y a des choses qui ont été évoquées, par exemple cette idée de mieux encadrer collectivement les relations qui sont effectivement interindividuelles, très personnalisées entre le chef d'équipe qui gère le contrat et les Si je peux, personnels. C'est une. si je peux dire, les projets européens sont des projets individuels. C'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à ce que ce ne soit pas le projet d'un labo. Alors, du même coup, moi, je suis entièrement d'accord, s'il y avait une direction collégiale, même si je pense que ça ne prémunit pas de tous les excès que cela peut avoir. Mais le problème, c'est que, voilà. En revanche, c'est pour ça qu'ils sont très attentifs, c'est que quand les Anglais ou les Allemands ou les Néerlandais arrivent, eux, souvent, ce sont des précaires qui portent les projets de labo. Et l'oral sert justement à voir si c'est bien le projet d'un individu et pas le projet de quelqu'un d'autre ou d'une institution derrière.